On va appeler monsieur le maire d'Orléans, Olivier Carré. After Job avec Francky l'après-midi. Et direction la mairie d'Orléans, direction le maire de Orléans, monsieur Olivier Carré, c'est parti. Ça sonne. Allez, c'est parti. Direction le 45. Allô, oui, bonjour monsieur le maire Olivier Carré, c'est la radio Arc-en-Ciel. On est en direct dans le 96.2 FM. On est heureux que vous nous accordiez quelques petites minutes pour la radio. C'est un plaisir. Merci à vous et bonjour aux auditeurs. Voilà, on connaît votre planning très chargé monsieur le maire. Il n'y a pas de souci. Alors, on est à moins de 20 jours du second tour des municipales 2020. Comment allez-vous déjà monsieur Carré? Eh bien, écoutez, je vais bien. Les Orléanais ont vécu cette période si difficile dans des conditions qui ont été diverses. J'ai évidemment une pensée pour ceux qui ont vécu et qui ont été malades. Il y en a eu, il y en a qui ont perdu aussi des proches. Jamais l'oublier dans cette période. Mais maintenant, la vie reprend progressivement son cours. Il faut rester prudent, mais aussi recommencer à penser à l'avenir. Et c'est à cela que je m'emploie tous les jours. Alors, dans moins de 20 jours, le deuxième tour des municipales 2020. Oui. Le 15 mars dernier, 64% d'abstention. C'est énorme, c'est un record, monsieur Carré. C'est un record absolu. Et j'espère que le 28 juin, il y aura une vraie mobilisation. Parce que ça donne des résultats qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'attend de l'ensemble des Orléanais. Mmh. J'espère que les conditions dans les esprits seront plus ouvertes pour aller voter qu'ils ne le furent le 15 mars. Et que l'horizon sera un peu plus dégagé, qu'on aura l'esprit concentré sur l'avenir de notre ville. Alors il y a le présent, il y a encore beaucoup de secteurs économiques qui ne sont qu'un petit redémarrage, donc avec encore beaucoup d'inquiétudes. Il reste évidemment des précautions à prendre sur le plan sanitaire, mais il y a aussi une ville qui doit reprendre le cap qu'elle s'était fixé. Avant le Covid, on avait beaucoup de clignotants qui étaient au vert, et on avait une ville qui continuait de se développer, qui avait fait baisser le chômage, qui avait le plus faible taux d'insécurité qu'elle ait jamais eu, des comptes financiers en très bonne situation. Il faut que tout ça continue, ça perdure. Donc j'ai hâte que cette date soit passée pour que on redonne un élan à Orléans. Et que cet élan lui permette justement de surmonter la crise qui est devant nous. Justement, pendant le confinement, est-ce que vous pensez que les Orléanais, pendant ce confinement, se sont penchés sur la question du deuxième tour? Est-ce que c'était un... Ah, je ne crois pas. Ouais. Ça, je ne crois pas. Et je ne leur en veux pas. Ouais. Je les comprends très bien. Mais ceci étant dit, vous savez, il y a des éléments qui étaient déjà un peu dans ce que l'on nous disait et dans ce qui était souhaité. Je pense à justement tout ce qui était dans le domaine sanitaire avec les médecins. Je pense à ce qu'il y avait sur le plan des espaces publics, de la place du vélo. Je pense à ce qu'il y avait sur l'alimentation en achetant local. Je pense à tout ce qui était justement aussi autour du dynamisme économique. Tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été dont les demandes ont été presque amplifiées après le Covid, en tout cas dans ce que l'on connaît aujourd'hui de la demande de nos concitoyens. Alors vous parlez... Et donc c'est tout ça qu'il faut accélérer, et c'est là-dessus que je compte m'employer vraiment dans les jours qui suivront cette élection, parce qu'il faut être très opérationnel, vous savez. Bien sûr. Il va falloir conduire avec beaucoup de volontarisme justement ces engagements. Pour que cette accélération nous permette de surmonter la crise. Justement, vous parlez de santé, de médecins. Vos priorités dans votre programme 2020-2026, un médecin référent pour chaque Orléanais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément un médecin, ou c'est compliqué de trouver un médecin. Beaucoup de partent à la retraite, pas remplacés, et beaucoup de gens galèrent. J'ai encore vu un poste, une dame là qui cherchait un médecin. Elle a fait 10 annonces avant d'en trouver un. Absolument. Alors, deux choses. La première, d'abord, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, il y a eu autant de médecins qui sont partis que de ceux qui sont arrivés. C'est la première fois depuis très longtemps. Et ce qui prouve que tout ce qu'on a fait en termes d'attractivité pour avoir de nouveaux médecins commence à fonctionner. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on rattrape un retard. Alors, la télémédecine que l'on a découvert beaucoup dans cette période de confinement, elle va aider. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits aussi bien par les usagers, par les médecins eux-mêmes. Certains ne voulaient pas s'y mettre, ils s'y sont mis, etc. Ça va améliorer les choses. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à développer l'aide à apporter aux médecins qui s'installent, à faire en sorte que notre territoire soit attractif, innovant, qu'on développe, qu'on continue de développer des maisons de santé, qu'on en installe d'autres à l'intérieur de la ville, qu'on reprenne celle de la source qui ne marche pas bien. Et là, j'ai des bonnes nouvelles aussi. Oui. Enfin bref, tous ces éléments-là sont des éléments où il y a ce volontarisme. Et évidemment, avec l'urgence sanitaire que l'on a connue pendant à peu près 2 mois et demi, la question des soins est encore plus prégnante. Donc ça reste une de nos priorités dans l'urgence écologique aussi, parce que justement il y a une transformation de la ville qui se fait pour répondre aux défis du changement climatique. Et cette transformation de la ville, aussi bien dans nos modes de déplacement, dans l'organisation des îlots de fraîcheur, dans le fait qu'on urbanise un peu différemment. Hier j'étais avec des habitants autour du Sanitas et et pour lesquels j'avais retiré la concession d'aménagement, et donc voir avec eux comment est-ce que ce parc peut compléter ce qui se passe derrière avec le parc Enjolras, le coin Pétaux, pour faire en sorte qu'on ait cet îlot vert à l'intérieur d'un quartier qui continue de s'urbaniser et de se développer. Donc tout, vous voyez, et ça peut se faire à d'autres endroits en ville. Donc c'est toute cette transformation de la ville et son adaptation qui est à poursuivre, voire accélérer, comme par exemple la rénovation des logements, qui était un élément que l'on a prévu dans notre programme, mais que je compte accélérer parce que derrière c'est beaucoup d'emplois. Et les entreprises vont avoir besoin de commandes de cette nature. Donc c'est bon à la fois pour la planète et pour notre économie. Donc c'est très positif. C'est bon pour la planète. Dans vos 12 engagements, vous parlez aussi des seniors à qui on tient énormément. Plus d'animation gratuite. Vous pensez qu'en ce moment, il y a moins d'animation, on en fait moins pour les seniors? Surtout en cette période. Ces jours-ci particulièrement, parce que il n'est pas très recommandé d'avoir des grandes réunions. Mais ceci étant dit, bon, j'espère que tout cela va revenir plus à la normale. Et effectivement, vous savez, quand vous êtes, et on l'a vécu dans les périodes, j'ai mis en place une chaîne d'appel pour faire en sorte que les élus, d'ailleurs beaucoup d'élus de droite comme de gauche ont appelé à ma demande des seniors, et ça a été très positif, et ça leur a évité de subir ce qu'il y a de pire, la solitude. Et donc le fait de pouvoir se retrouver là en l'occurrence dans cette période de confinement, mais aussi après dans des moments joyeux, c'est quelque chose qui me semble être positif. Alors on va continuer d'ailleurs à développer des services pour les aînés, faire en sorte de créer un fonds supplémentaire au CCAS, et de façon exceptionnelle, avec mon équipe, on propose que les élus versent justement une partie de leurs indemnités pour alimenter ce fonds, entre autres avec d'autres moyens, et puis ça permettra de développer des outils, des services qui vont aider les personnes seules. Alors, une question de Isabelle, si vous voulez bien. Elle circule normalement en tram, mais elle me dit « j'ai peur aujourd'hui avec le Covid-19 justement ». Est-ce qu'on pourrait plutôt pas améliorer les pistes cyclables? C'est ce que vous avez fait actuellement sur le pont Georges-V. Elle a raison. Ouais. Alors, d'abord, je peux quand même la rassurer. On peut la rassurer. Premier élément, la rassurer quand même. Sur le tram, on a pris beaucoup de précautions. Aujourd'hui, ça n'a pas été vrai au tout début. Mais aujourd'hui, quasiment tout le monde porte un masque. Il y a 1% de personnes qui ne portent pas de masque. Alors, il y a des contrôles. On surveille ça avec la police intercommunale des transports, avec les contrôleurs. Donc, la priorité, c'est évidemment de faire respecter les règles sanitaires. Donc, ça, c'est fait dans le tram. Il a récupéré à peu près un peu moins de la moitié de la fréquentation qu'il avait précédemment. Et donc ça progresse. Mais ceci étant dit, beaucoup de gens raisonnent comme elle. Ils veulent pas prendre leur voiture pour rentrer en centre-ville. Il y en a d'autres qui l'utilisent, mais certains ne veulent pas, et ils ont peur de rentrer dans le tram, donc ils prennent le vélo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le pont Georges-V, de façon, c'était pas prévu comme ça au départ, mais là, en l'occurrence, il y avait urgence à le faire, une des voies soit réservée au vélo, et pour permettre justement la traversée d'Aloire dans de bonnes conditions pour les familles qui sont à vélo, pour les gens qui traversent la Loire régulièrement à vélo, et que ça se poursuive dans la rue Royale, de façon à ce qu'après, les vélos, en rentrant dans cette espèce de zone 30, puissent irriguer sur l'ensemble de la ville. Il y a des endroits où ils peuvent garer leur vélo. Il y a plein d'éléments qui ont été mis en place à l'intérieur du centre-ville et qui favorisent la circulation des vélos. Ça sera pareil sur des grands axes et on est en train de faire des marquages sur l'ensemble des mailles pour faire en sorte que justement là aussi les gens puissent circuler à vélo plus facilement. Justement, avez-vous des retours par rapport au pont Georges V qui est fermé dans un sens, des retours positifs, négatifs? Est-ce que déjà un tableau est établi à l'heure actuelle? Il y avait une appréhension de la part des commerçants du centre-ville sur la mise en place de ce circuit, mais aujourd'hui cette appréhension elle est un peu levée, même si jamais je souhaite que l'on continue de surveiller un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc c'est nouveau, c'est récent, c'est un peu trop frais pour faire pour avoir des diagnostics définitifs. Ce que l'on sait, c'est que c'est pas quelque chose qui a freiné l'accès au centre-ville, ça a même permis à de nouveaux, des clients, des chalands, de venir en centre-ville. Mmh. Maintenant, quel est leur niveau de consommation, qu'est-ce qu'ils y font, etc. C'est trop tôt encore pour le dire, mais on se penchera sur la question et on va la mesurer. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de familles, de personnes qui m'ont indiqué être très heureux que le pont Georges V soit organisé comme ça. Bien sûr, ouais. Parce que justement, ils avaient une appréhension pour entrer en centre-ville qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Voilà. Question de sport, si vous voulez bien, monsieur Carré. Bien sûr, le sport va être amélioré, c'est ce que vous dites dans vos engagements. J'ai un Jérémy qui nous pose comme question, qu'en est-il du projet d'agrandissement du stade d'Orléans-la-Sourche aujourd'hui? Alors Jérémy, je ne sais pas s'il suit toutes les actus, mais en tous les cas, on le connaît un petit peu, l'avancement du projet. Alors sur le stade de foot. Le stade de foot, monsieur Carré, oui. Ouais. Alors sur le stade de foot, l'équipe a pas pu se défendre sur les terrains et malheureusement a été reléguée en national. Mais bon, on croise les doigts pour qu'ils prennent les décisions et qu'ils conservent les moyens leur permettant de retrouver la Ligue 2 le plus vite possible. Mmh. C'est ce qui fait que nous-mêmes on continuera de les aider à transformer leur équipement et on doit installer une pelouse hybride sur le stade durant cet été. Une belle pelouse. Ça leur donnera un confort et un niveau d'équipement qui les aidera justement à pouvoir jouer à un meilleur niveau. Justement, on parle du stade de l'USO Football à Orléans-la-Source. Vous pensez que cette division, cette descente a été un peu trop brutale, est arrivée comme ça d'un coup sur un cheveu sur une soupe? On s'y attendait pas du tout. Disons qu'il y avait une situation. La saison, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Elle a été mauvaise. Mais ceci étant dit, on était dans une situation exceptionnelle qui a fait que tous les matchs ont été interrompus à partir du mois de mars. À situation exceptionnelle, il aurait pu y avoir une décision exceptionnelle qui permettait d'avoir 22 équipes en Ligue 2 l'année prochaine. Et à ce moment-là, leur redonner la chance de pouvoir se battre avec leurs armes, c'est-à-dire leurs pieds. Mmh. Et ça, ça n'a pas été possible, dont acte. Alors il y a un recours qui est engagé. Et je sais que le président de l'USO s'y est employé, mais j'espère qu'il leur permettra de récupérer la Ligue 2 et surtout l'année prochaine de bien défendre leur titre. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est important. On va parler de pouvoir d'achat, si vous voulez bien, monsieur le maire. Pouvoir d'achat, oui. Je dis grand sujet sur votre programme, justement le très très grand sujet, mise en œuvre d'aide à la lutte contre la précarité énergétique, donc de l'avenir justement et de l'aide, ouais. Toujours de l'aide. De l'aide, tout simplement, parce que c'est ce que vous disiez, attention à votre concurrent, c'est la valse des millions, Noël avant l'heure, la gratuité, ça se paye. C'est ce que vous avez dit sur un interview. Exactement. Ouais. Mais si vous voulez, le plan que l'on avait prévu, lui, il n'est pas de distribuer de l'argent sous forme de revenus. Il est là pour aider les gens à investir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même pas du tout la même chose. Et il est là pour les aider à faire après, ultérieurement, des économies d'énergie, ce qui est bon pour leur pouvoir d'achat. Mais en gros, ce plan très ambitieux de rénovation thermique des logements, des rénovations pour diminuer leur facture de chauffage, pour améliorer leur logement, eh bien, c'est quelque chose que l'on avait prévu, que l'on avait envisagé. Et là, l'idée, c'est qu'au lieu que ce soit étalé sur 10 ans, ça le soit sur une période beaucoup plus courte, avec un investissement fort de la part de la métropole pour accompagner justement les gens qui veulent se lancer dans ces travaux et de faire en sorte qu'ils puissent le faire dans d'excellentes conditions, y compris ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, là, ils seront davantage aidés. Ceux qui ont plus de revenus, ils seront aidés aussi, mais moins que les premiers, et de façon à faire un grand mouvement général qui doit aussi aider les entreprises du bâtiment, les entreprises de travaux, à pour les artisans, à pouvoir justement avoir beaucoup de boulot, beaucoup d'activités dans les mois qui viennent. Et c'est important parce que on va avoir besoin d'activités économiques. Et là, ça paraît intéressant d'utiliser ce levier pour faire aussi un levier à la fois écologique et en même temps un levier économique. Et voilà, je voulais saluer Aurélie Lehier. Et l'argent n'est pas dépensé et dispersé momentanément à l'égard de telle ou telle personne. Bien sûr, voilà. Je voulais juste saluer Aurélie Lehier qui nous écoute en ce moment. C'est ce qu'elle m'a envoyé sur Messenger. Voilà. Le renfort de la police municipale et de la brigade Stop Incivilité. Alors c'est vrai que l'incivilité, il y en a de plus en plus, je pense, depuis m'en parlez pas là en ce moment. Les masques par terre, etc. Ça, c'est 135 euros l'amende. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. On est voilà, il y a ça. J'en parlais avec mes collègues, les dépôts autour des points d'apport volontaires. Enfin, là, je demande, je supplie vos auditeurs d'être attentifs sur cette question parce que à la fois c'est ça rend l'espace public à certains endroits. Bah, j'ai employé le mot, il est vulgaire, mais c'est bien dégueulasse. Hein, c'est pas normal. Donc il faut je suis très attentif à avoir une ville la plus propre possible. C'est difficile, mais on a des agents qui se battent tous les jours sur ce sujet et il faut que quand même nos concitoyens les aident un peu et avoir des comportements comme je voyais là, il y avait un masque par terre, il y avait une poubelle qui était à 10 mètres, c'est quand même pas compliqué de mettre ça. En plus, un masque c'est porteur, alors je l'espère, pas de maladie grave et aussi grave que la Covid, mais en tout cas c'est pas très propre et donc ça se met dans une poubelle. Les poubelles après elles sont ramassées, elles sont incinérées, donc il y a pas de problème sur ces déchets, sur la chaîne des déchets. Mais il faut qu'elles soient, faut que nos concitoyens fassent un minimum d'efforts pour mettre un masque qu'ils veulent jeter dans une poubelle et pas dans la rue. Donc sinon c'est quelqu'un d'autre qui va les ramasser. Bien c'est sûr, un manque de respect absolu c'est pour les agents. On a beaucoup eu de il y a deux mois, tout le monde a rendu hommage à juste titre à toutes ces femmes et tous ces hommes qui faisaient des boulots un peu ingrats, qui faisaient des boulots un peu dans l'ombre, qui étaient ceux qu'on a appelés les premières lignes. Et ben je peux vous dire que eux, quand ils voient le comportement d'un certain nombre de concitoyens, ils estiment qu'il y a un vrai manque de respect à leur endroit. Et on peut les remercier pour tout ce qu'ils font tous les jours, et en particulier dans la période que l'on a vécu. Mais quand ils voient le comportement de certains, ils se disent que ces merci finalement n'étaient pas très sincères et que leur boulot est parfois méprisé. Et leur situation aussi. Et ça, c'est pas acceptable. Et je suis de leur côté. Bien sûr. Et même si malheureusement on est obligé d'amener des sanctions, j'ai donné des ordres en ce sens il y a déjà quelques jours. Mais franchement, au lieu de sanctionner, au lieu de ça, si jamais chacun se responsabilisait un peu, enfin chacun. En tout cas, pour les quelques individus qui nous... ça serait quand même pas mal. Voilà. Là, c'est les parents... Désolé pour le coup de gueule. Hein. C'est pas grave, allez-y. Je veux pas casser l'ambiance, mais ça fait partie des... ça fait partie du boulot de mon boulot de devenir une ville propre. Mais je peux pas le faire sans vous, sans les concitoyens, quoi. Voilà. Mais régulièrement, des auditeurs nous envoient des messages en nous disant c'est dégueulasse, les gens mettent les masques par terre, etc. Exactement, ça va, voilà. Ils ont raison. Et là, c'est les parents c'est pas normal. C'est les parents qui vont. C'est pas le faute de travailler, parce que je veux dire, encore une fois, si jamais on était une ville laxiste sur ces sujets, je le vois dans certaines villes, hein, je suis horrifié des fois en me baladant en France, mais ou à l'étranger, mais vraiment, c'est pas le cas à Orléans. Les gens font un gros boulot. Donc on met le paquet sur certains moyens. Mais là, en l'occurrence, il y a des choses qui m'étonnent là ces jours-ci. Donc voilà, je rappelle un petit peu à l'ordre tout le monde. Une ville qui brille, c'est ce que dit Isabelle. Et là, c'est les parents qui vont être heureux parce que pour les enfants, justement, dans votre programme, les horaires des garderies et du périscolaire seront étendus à 18h30. Ça va faire peut-être des heureux. Je pense que ça peut faire des heureux parce que y a rien de pire dans le quotidien que la course contre la montre. Et là encore, en plus pour certaines femmes ou hommes qui sont dans des boulots très contraints par leurs horaires, Donc c'était l'idée de d'élargir. Mais si vous voulez, je m'aperçois aussi que dans cette période que l'on a vécue, les rapports au sein des familles ont un peu changé. Mmh. Et souvent en bien. Et donc l'attention qui est portée à l'enfant, etc., elle nécessite d'avoir un peu de temps pour lui, mais aussi qu'il ne soit pas l'objet d'une pression sur les horaires, qu'il soit voilà. Donc tout ça concourt en fait à un état d'esprit qui était effectivement dans notre programme et que je trouve renforcé à l'issue de cette crise, et on pourrait dire une ville plus apaisée, qu'on est qu'on donne un peu plus de temps au temps. D'accord. Et assez proche. C'était une chanson, ça, le temps voilà. Au temps. C'était une belle chanson, le temps au temps. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est important. C'est très important. Et pour ça, on peut s'organiser. Nous, si la ville, on peut faciliter la vie des familles, hein, faire direct et simple, quelque part, c'est aussi dans nos missions. Donc ça s'organise. Moi, j'ai vu plusieurs choses pendant cette période où on me disait que c'était pas possible de les organiser, et où en fait, qu'ils se sont organisés. Bien sûr. Et donc, et ça, c'est très intéressant, et ça doit être conservé pour justement, parce que ça facilite la vie des familles. Et donc, ça fait partie des choses que l'on regarde, mais qui étaient déjà un peu prévues, comme vous l'avez rappelé dans le programme. C'est ça. Et donc, ça tombe bien. On est pas mal. Une dernière question de Laurent, et après je vous laisserai le mot de la fin, Monsieur Carré. Y a-t-il encore un interlocuteur pour l'événementiel à la mairie? Une question, bête ou pas, non? Je sais pas. Alors, je vais aller, c'est une question internet, Ça cache sûrement des déceptions, ça, genre de phrase. Oui. Mais oui. Évidemment, il y a un service de l'événementiel. Alors, ce qui est sûr, c'est que effectivement, on aurait dû avoir les fêtes de Jeanne d'Arc, on aurait dû avoir beaucoup d'événements. Et là, évidemment, pendant toute la période que l'on a vécue, ces équipes sont restées, n'ont pas travaillé pour l'événement, mais elles ont donné un grand coup de main à l'espace public, hein, pour organiser du barriérage, pour organiser plein de choses. Donc, je vous rassure tout de suite, elles ont été actives. Maintenant, pour tout ce qui est programmation et autres, ça reprend, et notamment pour les mois qui viennent, et pour la fin de l'année, et puis aussi pour préparer 2021. Hein, donc, ça commence déjà à se préparer maintenant. Il y a des interlocuteurs à la mairie, je rassure tout de suite votre auditeur. Il n'y a pas de problème. Moi-même, on vient me voir pour demander si telle ou telle chose pourra se faire. Je réponds à chaque fois, mais il n'y a pas de problème. C'est en route. Dans moins de 20 jours, ce sera le deuxième tour des municipales. Je vais vous laisser le dernier mot, monsieur le maire, si vous voulez bien, pour terminer cette interview de 23 minutes exactement. Je vous laisse la parole. D'abord, ça me permet de remercier tous les Orléanais qui ont permis à ce que la ville, pendant cette période difficile, s'en sorte plutôt bien par rapport à d'autres villes. D'abord sur le plan sanitaire, on n'a pas eu trop d'impact parce que chacun était sérieux. Et puis deuxièmement, la ville, elle reprend son cours malgré quelques excès que j'ai évoqués tout à l'heure. Globalement, la ville reprend son cours progressivement, et c'est une très bonne chose. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de clignotants étaient ouverts avant la période de que l'on a vécue. Il faut qu'ils reviennent ouverts le plus rapidement possible, et surtout, il faut que on puisse, dès le 29 juin, mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent d'embrayer très très vite et de donner des signaux forts à nos entreprises. Parce que je voudrais pas qu'après cette crise que l'on a vécue, qui est toujours là mais qui s'atténue, on ait une crise économique majeure qui fasse qu'à la sortie, Orléans, qui a toujours été une ville dynamique, soit une ville qui s'écroule. Alors, j'emploie peut-être un terme trop fort, mais en tout cas, qui subisse une crise forte. Je pense que si jamais chacun se retrousse les manches, si jamais on est opérationnel tout de suite, s'il n'y a pas de blocage, je vois des propositions qui ne passeront jamais, qui seront bloquées dans différentes instances, et c'est pas bon. Il faut que les choses soient vues en rassemblant justement toutes les énergies. Eh bien, si jamais on arrive à se rassembler, à partir de là, ça ira vite et on pourra être efficace sur le territoire. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de grand effet négatif de l'environnement économique, et Orléans pourra continuer sa progression comme elle a connu au cours de ces dernières années. Ça sera très positif, et je voudrais, après toutes les périodes que l'on a connues, finir sur une tonalité positive. Donc, il faut se mobiliser. Le 28 juin est une étape, et dès le 29, eh ben, j'espère être là pour pouvoir engager très vite les mesures qui vont continuer à la fois de transformer Orléans, mais aussi de lui apporter les moyens de surmonter les défis qui sont devant nous à très court terme. Eh bien voilà, sur ces belles paroles, monsieur le maire, on va se quitter. En tout cas, merci. Je vais juste finir avec je suis sur votre site sur Facebook pour Orléans, je garde mon maire le 28 juin, votez Olivier Carré. Moi, je suis bête et discipliné, joli hein, voilà. Nickel. Voilà, merci voilà. Monsieur Olivier Carré, maire d'Orléans. On garde le cap, on garde son maire. Voilà. Très bien. À bientôt. Au revoir monsieur Carré. Et merci. Très bonne journée. Au revoir. En direct à la radio, c'était monsieur Olivier Carré, maire d'Orléans sur Radio France.